Premier livre des Rois, chapitre 12. Et Roboam s'en alla à Sichem, parce que tout Israël était allé à Sichem pour l'établir roi. Or il arriva que quand Jéroboam fils de Nébat, qui était encore en Égypte, où il s'était enfui de devant le roi Salomon, l'eut appris, il se tint encore en Égypte. Mais on l'envoya appeler. Ainsi Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent, et parlèrent à Roboam, en disant, « Ton père a mis sur nous un pesant joug, mais toi allèges maintenant cette rude servitude de ton père, et ce pesant joug qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. » Et il leur répondit, « Allez, et dans 3 jours retournez vers moi, » et le peuple s'en alla. Et le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père, pendant sa vie, et leur dit, « Comment et quelle chose me conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et ils lui répondirent, en disant, « Si aujourd'hui tu te rends facile à ce peuple, et que tu lui cèdes, et que tu leur répondes avec douceur, ils seront tes serviteurs à toujours. » Mais il laissa le conseil que les vieillards lui avaient donné, et consulta les jeunes gens qui avaient été nourris avec lui, et qui étaient auprès de lui. Et il leur dit, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple, qui m'a parlé, en disant, « Allège le joug que ton père a mis sur nous. » Alors les jeunes gens qui avaient été nourris avec lui, lui parlèrent, et lui dirent, « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'est venu dire, « Ton père a mis sur nous un pesant joug, mais toi allège-le nous, tu leur parleras ainsi, ce qui est le plus petit en moi, est plus gros que les reins de mon père. Or mon père a mis sur vous un pesant joug, mais moi je rendrai votre joug encore plus pesant, mon père vous a châtié avec des verges, mais moi je vous châtierai avec des écourgés. » Or 3 jours après Jéroboam avec tout le peuple vint vers Roboam, selon que le roi leur avait dit, « Retournez vers moi dans 3 jours. » Mais le roi répondit durement au peuple, laissant le conseil que les vieillards lui avaient donné. Et il leur parla selon le conseil des jeunes gens, et leur dit, « Mon père a mis sur vous un pesant joug, mais moi, je rendrai votre joug encore plus pesant, mon père vous a châtié avec des verges, mais moi, je vous châtierai avec des écourgés. » Le roi donc n'écouta point le peuple, car cela était ainsi conduit par l'Éternel, pour ratifier la parole qu'il avait prononcée par le ministère d'Aïja Silonite, à Jéroboam, fils de Nébat. Et quand tout Israël eut vu que le roi ne les avait point écoutés, le peuple fit cette réponse au roi, en disant, « Quelle part avons-nous en David, nous n'avons point d'héritage au fils d'Isaïe. Israël, retire-toi dans tes tentes, et toi David pourvois maintenant à ta maison. » Ainsi Israël s'en alla dans ses tentes. Mais quant aux enfants d'Israël qui habitaient dans les villes de Juda, Roboam régna sur eux. Or le roi Roboam envoya Adoram, qui était commis sur les tribus, mais tout Israël l'assomma de pierres, et il mourut. Alors le roi Roboam se hâta de monter sur un chariot, pour s'enfuir à Jérusalem. Ainsi Israël se rebella contre la maison de David jusqu'à ce jour. Et il arriva qu'aussitôt que tout Israël eut appris que Jéroboam s'en était retourné, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée, et l'établirent roi sur tout Israël. Et aucune tribu ne suivit la maison de David, que la seule tribu de Juda. Et Roboam vint à Jérusalem, et assembla toute la maison de Juda, et la tribu de Benjamin, savoir 180 000 hommes choisis, et fait à la guerre, pour combattre contre la maison d'Israël, et pour réduire le royaume sous l'obéissance de Roboam fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut adressée à Semaja, homme de Dieu, disant, « Parle à Roboam fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda, et de Benjamin, et au reste du peuple, en disant, « Ainsi a dit l'Éternel, vous ne monterez point, et vous ne combattrez point contre vos frères, les enfants d'Israël, retournez-vous en chacun en sa maison, car ceci a été fait de par moi, et ils obéirent à la parole de l'Éternel. » Et s'en retournèrent, selon la parole de l'Éternel. Or Jéroboam bâtit Sichem en la montagne d'Éphraïm, et y demeura, puis il sortit de là, et bâtit Pénuel. Et Jéroboam dit en soi-même, « Maintenant le royaume pourrait bien retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple se tournera vers son seigneur Roboam, roi de Juda, et ils me tueront, et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. » Sur quoi le roi ayant pris conseil, fit 2 veaux d'or, et dit au peuple, « Ce vous est trop de peine de monter à Jérusalem, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. et il en vient à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Et cela fut une occasion de péché, car le peuple allait même jusqu'à Dan, pour se prosterner devant l'un des veaux. Il fit aussi des maisons des hauts lieux, et établit des sacrificateurs des derniers du peuple, qui n'étaient point des enfants de Lévi. Jéroboam ordonna aussi une fête solennelle au huitième mois, le quinzième jour du mois, à l'imitation de la fête solennelle qu'on célébrait en Juda, et il offrait sur un autel. Il en fit de même à Bethel, sacrifiant aux veaux qu'il avait fait, et il établit à Bethel des sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait fait. Or le quinzième jour du huitième mois, savoir au mois qu'il avait inventé de lui-même, il offrit sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, et célébra la fête solennelle qu'il avait instituée pour les enfants d'Israël, et offrit sur l'autel, en faisant des encens.